Merci beaucoup. Par la lumière divine, laquelle lumière vient de nos ancêtres, la lumière qui vient des arcanes secrètes, laquelle lumière est transmise par nos ancêtres qui sont les gardiens de notre savoir, les gardiens de nos rites, les gardiens de nos traditions, ils nous aident toujours à tout moment d'avoir accès à ce milieu. Donc, une fois de plus, ce soir, je demande la présence de mes ancêtres, la présence de mes génies, afin qu'ils me guident dans tout ce que je dirai, et qu'il soit sur ma langue, et que tout ce que je dirai ne vienne point de moi, mais vienne plutôt d'eux, de pouvoir m'aider dans ce sujet de ce soir, car beaucoup d'êtres humains, des non-initiés et des initiés, qui souffrent de ce malaise qu'est la peur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bien, pour ceux qui ne sont pas avisés, merci. Merci encore. Merci. Merci beaucoup pour ceux qui sont câblés pour la suite. Cette fois-ci, c'est un autre enseignement bien très clair. Je vais pouvoir ici vous aider à pouvoir éliminer la peur. Donc, la peur de tout faire, la peur de manger quelque chose parce que quelqu'un lui a empoisonné cette nourriture, la peur de parler en public parce que on appelle ça ici une phobie, la phobie. On a peur de parler en public. On a peur de draguer. On a peur de... le pasteur, pendant que le pasteur est en train de crier, Alléluia, au nom de Jésus. Et puis, pendant que le pasteur prie, on sent des manifestations. Alors, on a peur. Parce que là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. La peur nous entre dans tous les milieux. La peur nous entre dans tous les aspects de la vie. Et même au niveau du travail. On veut vous donner une promotion, mais la peur vous rentre. On va vous donner une promotion, mais je ferai comment? Est-ce que je serai capable de faire ce boulot? Est-ce que je serai capable d'assumer cette position? Donc, la peur est l'ennemi numéro un de l'homme. Et vous verrez que beaucoup de personnes, hommes comme femmes, n'arrivent pas à progresser dans leur vie, ou du moins atteindre leurs objectifs, parce qu'ils ont cette peur dans le ventre. Comprenez? Quelle est cette peur? La peur qu'ils ont vaincue. Ai-je une définition à vous donner sur la peur? Je n'ai pas un dictionnaire à vous donner la peur. Est-ce que la peur est synonyme de lâcheté? Peut-être. Certains diront oui. Être incapable de pouvoir maîtriser ce qui vous arrive. Être incapable de pouvoir assumer en donnant des prétextes et des raisons. C'est limiter ses capacités. Vous limitez vos capacités. Vous dites, je ne peux pas. Je ne peux pas. Sinon, ceci, cela. Vous êtes dans votre propre monde où vous êtes créateur de vos propres handicaps. Vous créez tout en vous. Vous créez tout à l'intérieur de vous-même pour pouvoir être la victime. Et une fois vous devenez la victime, vous donnez le tort à quelqu'un d'autre. Alors que vous-même, vous êtes auteur, vous êtes créateur, et vous êtes la victime. Voyez-vous, il y a un enseignement que je donne, l'homme est à la fois créateur et destructeur. L'homme est à la fois le diable et Dieu. Ça, c'est un enseignement d'un autre niveau, où j'expliquais aux gens qu'en réalité, Dieu que vous cherchez, c'est vous. Le diable que vous cherchez, c'est vous. Hein, c'est un niveau de compréhension. Ça, ce n'est pas un langage religieux, ça. Sinon, ça va créer un scandale. Bref, donc la peur. Cette phobie, ici aux États-Unis, il y a même une science. Ça tourne autour d'un nom qu'on appelle phobie. Il y a la phobie de... Il y a des gens qui ont la peur, par exemple, si vous tapez... Si vous venez derrière elle, la personne, elle va paniquer. Il y a les gens qui ont la peur, même le fait d'être au volant de la voiture, s'il y a un oiseau qui vole devant, cette peur, c'est une phobie. Cette peur qui, à un moment donné de la vie, à une certaine circonstance, peut vous couper de la réalité. Il y a des gens même qui ont la peur qui peut leur amener jusqu'à, s'il vous plaît, à dégager tout ce qui est dans le ventre. J'ai vu des gens même pisser de peur. J'ai vu des gens dégager les excréments à cause de la peur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai discuté avec une personne qui me dira qu'elle, de sa vie, ne s'est jamais battue. Elle dit, mais elle aura peur. Je lui ai dit, mais il faut aller dans un club de boxe, il faut aller dans un club là. Oh, mais non, mais je ferai comment, mon Dieu? Mon Dieu, la personne va me bastonner, mon Dieu. Oui, la peur. Chacun de nous a des capacités. Chacun de nous a certaines forces. Mais elles se développent. Je ne suis pas devenu ce que je suis. Je ne sais pas. Je n'ai pas des gros muscles. Mais ceux qui m'ont connu au lycée, j'étais quelqu'un de très sec, un corps très mince. Mais ça a pris du temps. Avec le temps de développer mon corps. OK? Quand j'étais au lycée, je n'avais pas une barbe. Là, je me maintiens. Mais normalement, je la garde, elle pousse comme la barbe d'un mojahidine ou quoi, je ne sais pas. Ou bien un prêtre. Donc, tout se développe dans la vie. Donc, la peur, vous pouvez développer cette peur de manière positive ou négative. C'est-à-dire, vous pouvez créer des conditions qui feront en sorte que cette peur, pas une seule peur, donc les peurs de différentes phobies, donc la peur de ce qu'on dit, les gens, quand dira-t-on, la peur de, mais mon Dieu, de ceci. Et ça peut développer chez certaines personnes même l'hypocrisie. Vous voyez là où la peur peut vous amener? Ça peut vous amener à l'hypocrisie. Ça peut vous amener à développer l'esprit du vol. Ça peut vous amener à développer l'esprit de tricherie, de fourberie. La peur peut vous amener à mille et un défauts. Est-ce que la peur est une qualité ou un défaut? Posez-vous la question. Est-ce que la peur et la crainte, là, c'est deux choses différentes. Voyez-vous? Ah oui, la peur de rater les examens. La peur de jouer à un projet. La peur de perdre son mari. La peur de perdre sa femme. La peur de voyager dans l'espace, prendre un avion. En un mot, la peur nous hante dans tous les niveaux. Donc, je disais, la peur vous hante partout. Même la nourriture que vous mangez. Même la boisson que vous consommez. Je ne parlerai même pas du monde politique, c'est pire. D'après vous, pourquoi vous voyez tous ces présidents-là avec des gardes du corps? Voyez-vous? Avec toute une armée autour d'eux. Et c'est parce qu'il y a la peur au ventre. Il y a des présidents qui ont été, que j'ai vu, bon, un monsieur que j'ai connu personnellement, je ne l'ai pas vu là-bas, mais j'ai connu dans le sens où je n'étais pas Burkina Faso, mais les gens en parlaient et je l'ai vu à la télé un peu partout. Ce monsieur n'avait pas besoin de garde corps. C'est le seul qui, jusqu'à l'ONU, marchait avec son arme à lui. Les gens ont dit, mais ce type-là, il est fou. C'est le capitaine Sankara. Voyez-vous? Parce qu'il avait confiance au peuple. Je m'en souviens, il jouait au football avec les Burkinabés. Je m'en souviens, il faisait la course comment on appelle ça, de bicyclette. Il était cycliste. Il n'avait pas la peur. La peur d'être autour du peuple. Parce que le peuple, il y a certains hommes politiques comme ça. Parce qu'il a peur de se faire tirer. Il a peur de la contradiction. Oui, donc la peur est dans tous les milieux. On ne parle pas politique, ce sont des exemples que j'ai pris juste pour parler de ce mot de la peur. Maintenant, dans le monde mystique, la peur. J'entends des frères qui me disent, moi je suis un maître. Hein. Je suis maître dans la loge maçonnique, je suis maître dans la Rose-Croix, je suis un initié. Je dis, oh, merci beaucoup mon frère, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu penses de ce rite? Je dis, oh, toi tu es maître, tu viens me demander encore le rite. Mais j'ai lu tel rite, machin, tel rite. Ah, cet ange, ce génie-là, il faut le convoquer à partir de 3h20 du matin jusqu'à 3h40. On me dit que quand tu le convoques là, il faut associer telle prière, il faut mettre tel psaume, ainsi de suite. Je dis, ok, j'ai compris mon frère. Ben, toi, tu es maître, non? Vas-y, va faire. Va faire, mon frère. Tu as lu ce qui est écrit dans le livre? Oui. Le livre t'a donné tout, oui. Ce que je vous dis, c'est authentique. Je dis, bon, puisque le frère me dit Il est maître. Moi, j'ai confiance que c'est un mec qui n'a pas la peur. Donc, le type est allé faire le rite. Mes frères, mes soeurs, vous qui me suivez, c'était la catastrophe. Le lendemain, il revient là-bas, les larmes aux yeux. Je dis, oh, c'est comment mon frère? Oh, mon frère, je ne sais pas, je ne veux plus refaire ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, non, non. Quand j'ai appelé le génie, là, quand j'ai appelé cet ange-là, mon frère, j'ai senti ma voix était partie. J'ai senti le mur qui bougeait, je machin. J'ai dit, oh, mon frère, tu as fait ça à quelle heure? Non, mais j'ai suivi l'heure. J'ai dit, bon, toi, tu dis que tu es un maître, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que cet ange-là, pour l'appeler, il faudrait que ce soit à 25 degrés du Capricorne? Ça doit être à 25 degrés du Capricorne. Ça doit être à 5 degrés de Mercure, la planète Mercure. Ça doit être également en parallèle avec Vénus. Donc, tu formes un arc. Cet arc-là fait tout le possible pour que l'arc soit pointé vers Saturne, pour amoindrir le choc. Donc, est-ce que tu as respecté les degrés? Oh, mon frère, tu me parles de degrés, mais on n'explique pas ça. Je dis, ben voilà. Parce que l'auteur, peut-être, ne connaissait pas cela. Oui? Même les livres que vous lisez là, il y a des rites qu'on va vous dire, on fait ceci, mets le pied à gauche, mets le pied à droite. Mais si vous n'avez pas été initié dans la cabale, si vous n'avez pas été initié dans la magie cérémonielle, moi, ça m'a pris près de 18-20 ans d'apprendre ces choses-là. Il faut maîtriser l'astrologie, l'étude du mouvement des astres. De telle position planétaire à telle position astrale. Votre signe astrologique, vous êtes par exemple Gémeaux comme votre serviteur. Maintenant, comme je suis Gémeaux, je suis influencé par le dieu Mercure. Mais sous l'influence du dieu Mercure, moi, je suis en train de chercher le dieu de Saturne. Mais le dieu Saturne, ce sont des démons, c'est des esprits trop puissants. C'est là où se trouvent les génies les plus dangereux, où on trouve même les grands démons, les machins, qui sont très dangereux. Donc, il faudrait que je fasse tout si je veux pouvoir faire un appel. Voilà pourquoi certains auteurs vous diront que si vous voulez travailler avec les esprits de Saturne, il vous faut pratiquer au moins certaines techniques magiques répétitivement, au minimum 3 ans, maximum 5 ans. Pourquoi? Parce que ça va permettre votre âme d'être déjà en connexion avec les entités de ces magiques. Et ce qui fait que la décharge qui viendra de Saturne, qui est l'une des planètes, je ne parlerai même pas de Jupiter, ça c'est l'une des planètes les plus dangereuses. Les entités qui y sont, les entités mystiques. Donc, mon frère, maintenant tu viens pleurer. Tu as dit tu es maître. Bref, c'est pour vous dire que dans le monde des sciences occultes, c'est la même chose. Et ça, c'est la peur la plus dangereuse. Rassurez-vous. On ne joue pas, je ne fais que vous prévenir. Ce n'est pas parce que vous me voyez faire ma tchatche, je viens ici, là, je fais mes enseignements. Oh, oui, c'est trop facile. Les gens qui m'appellent, oh maître, moi, ceci, oui, ils veulent des résultats immédiats. Il y a certains d'entre vous, là, que j'ai consultés. Ils m'ont donné le nom et le prénom, la date de naissance. Même pendant qu'on est au téléphone. J'ai commencé déjà à dire, oh, oui, bah, c'est, oh, mais mon Dieu, maître, comment ça? J'étais en train de parler parce que les gens pensent que moi, je vais voir des livres, je ne sais pas, je vais chercher sur Internet. Mais si vous cherchez sur Internet, ça va vous donner des approximations. Ça ne va pas rentrer dans la vie intime. J'ai dit à la personne tout ce que la personne est. C'est les défauts, les qualités, je l'amène même dans sa vie intime, tout. Tout cela, je communique avec certaines entités. Je communique avec certains esprits. Je communique avec votre génie de naissance. C'est vrai qu'il y a certains livres, moi j'étais même surpris, il y a certains livres qui vont vous dire non, voilà comment tu peux faire la recherche sur le nom de quelqu'un. J'ai vu ça. J'ai comparé, j'ai dit, ah, mais les mecs là, non, tout le monde veut se faire de l'argent. Mais moi, ma méthodologie, certes, elle s'appuie sur certaines traditions égyptiennes, mais la méthodologie la plus machin, c'est celle qui me permet de rentrer en contact avec le génie. Voilà pourquoi je demande la date, comment dirais-je, le nom. La date de naissance, surtout le nom de famille, c'est ça qui m'amène direct avec votre. Si votre papa s'appelait Matuka, mais moi je rentre avec l'esprit de Matuka, c'est authentique. Je vous dis, il y a des gens avec qui c'était une coïncidence, je suis en train de parler avec la personne et je suis en train de lui faire des consultations comme ça. Je parle, voilà ce que ton nom veut dire, voilà le nombre de ton nom, et je découvre que c'est ceci, c'est cela. Après, je dis, bon, si ma mémoire est encore fraîche, je vais t'écrire tout ça sur papier. Et mais pendant que j'écris cela, je reçois encore plus d'informations. J'ai envoyé beaucoup d'entre vous, ils ont reçu. Une page, deux pages, et je décris tout. Pas des histoires de conneries qu'on voit dans les livres, je ne sais pas, ou la main de Fatimata, ou comment elle s'appelle, je ne sais pas. Ou la magie grégorienne, ou encore le livre de Balsamo, voilà. Balsamo, a écrit un livre sur ça. Mais quand je regarde le livre de Balsamo, non, non, non. Ce n'est pas vraiment conforme à la tradition égyptienne. La peur. La peur. Vous êtes un maître, vous avez encore peur. Vous êtes initié, vous avez encore la peur. Vous savez pourquoi? C'est parce que votre vampire n'est pas encore aiguisé. La plupart des maîtres qui ont peur, vous êtes maçon, vous êtes rosicrucien. Moi, quand je parle avec mes frères blancs ici, là, j'ai une loge, je parle dans le numéro, ceux qui sont de mon état, si vous voulez venir, je vous donne le numéro de ma loge, là où je parle. Ces mecs-là ont peur de moi. Quand j'arrive, oh, les gens tremblent. Parce que je leur parle toujours du vampire. Non, non, non, non, non. Monsieur, nous vient, nous... Là, je parle des blancs, bien sûr. Parce que cette loge où je parle, il n'y a pas de noirs là-bas. Nous sommes peut-être deux noirs. Un noir américain et puis moi, africain. Parce que moi, j'ai commencé avec les loges des blancs, plutôt des noirs, là, les histoires des Prince Hall et tout ça. Là. J'ai commencé dedans. Bref, ils m'ont demandé pourquoi tu as changé. Je dis, mais parce que là-bas, ils ne parlent que des histoires de religion, religion. Qu'est-ce que j'en fous avec l'histoire de religion? J'ai dépassé ce stade de religion-là. Moi, je viens vous parler des vrais mystères de la vie. Sortir d'un vampire. Un véritable maître. Un vrai maître doit être capable de sortir d'un vampire tous les jours. Vous devez ramper. Et quand vous vampirez, vous maîtrisez votre corps matériel. Vous maîtrisez votre corps, machin, astral. C'est pas les histoires de bouche. Non, moi, je veux prendre l'énergie de quelqu'un. Tu vas prendre l'énergie pour quelqu'un. Tu vas aller prendre l'énergie. Mais maintenant, si cette personne a des énergies négatives. Ah oui, je connais beaucoup de femmes qui sont comme ça. Elles ont des énergies négatives. Et toi, tu es content. Ah, mais moi, je sens toi. Mais toi, tu es trompé par l'œil du diable, oui. Ah, ouais, ton de ces énergies-là me plaisent, maman, je viendrai voler. Oh, il n'y a pas de problème, viens, oh, viens. Et à la fin, tu prends, tu soulèves ce que tu as soulevé. À la fin, tu te demandes, la vie, ça n'est pas plus le divorce maintenant, là-bas, le travail calboigné. Et tu te demandes, mais quelles sont ces malchances? Et pourtant, tu es un initié. Et parce que tu allais prendre des énergies négatives. Et parce que tu n'as pas éliminé la peur. La peur, c'est celle-là qui tue beaucoup d'initiés. Je vais vous donner les techniques, il y en a quatre. Bientôt, je vais vous quitter. Mais avant de passer à ces techniques, je vous mets en garde. Vous ne pouvez pas être un initié. Même si vous mangez le bois sacré. Parce que je connais mes frères bouddhistes. Ils mangent le bois sacré. Oh, yo, yo, man, oh, ça danse. Hé, basse. Le lendemain, il vient au bureau. Oh, mon frère, j'ai été attaqué. Mais c'est pas possible. Oh, ah non, vraiment. Heureusement, les esprits étaient là. Oh. Mais toi, tu paniques pourquoi? Quel heureusement, les esprits étaient là. Et vous verrez, la personne va me dire non. Vraiment, mon frère, il faut faire quelque chose. Oh, mais tu es initié du bouti, tu es encore cherché quelque chose là. Où? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. La peur. Ils n'ont pas maîtrisé. La peur. La peur est l'ennemi numéro un. Même lorsque vous mangez votre bois sacré, lorsque vous voyagez dans l'espace et le temps, je ne parle pas seulement du bois sacré. Quand vous vous initiez dans la macumba, quand vous vous initiez dans la magie des Indiens, Amérindiens ici, là, les natifs, les American, Native Americans, on m'a montré beaucoup de choses. Des gros monstres marins, anaconda, le crocodile qui veut venir me couper la tête. Vous savez qui sont ces choses-là? Ce sont des tests que les esprits vous envoient. Ce sont des tests. En réalité, c'est simple, le résultat de votre propre vie. Ce sont les atrocités que vous avez créées aux autres. Vos mauvaises pensées qui viennent sous la forme des monstres devant vous. Mais les maîtres vous les montrent pour vous dire, voyez, voyez-vous-même, ce que vous avez créé, ça vous crée la peur. Maintenant, si vous surmontez tout cela, ça veut dire que vous êtes capable de surmonter vos émotions, vous êtes capable de surmonter vos défauts, vous êtes capable de surmonter les obstacles de la vie. Donc, si vous surmontez tous ces monstres, mais si vous tombez avec la peur, vous retournez. Le maître va te dire, oh, toi c'est comme, oh non, vraiment, j'ai vu des choses terribles, je ne peux pas. Oh. Vous avez échoué. Et je vous dis la vérité, il y a beaucoup qui échouent dans leur initiation. Il y a beaucoup d'échoués au cours des initiations. Et vous allez en vouloir le pauvre Nima. Vous allez en vouloir le Nganga. Oh, mais comment? Vous ne pouvez pas me donner un forfait? Quel forfait? Tu as déjà payé 800 000 francs. Toi, tu es comment? Oh, moi, je vais envoyer ma femme ou bien ma nièce ou bien mon équipe là pour aller chercher le bois en brousse. C'est toi qui vas les payer. Il faut encore payer. Mais toi, va d'abord te reposer. Il faut bien réfléchir. Toi, ta peur là, je ne comprends pas. Le type vous donne le dosage du bois sacré. Il met dans la bouche. Premier dosage, première mesure. Bien mesuré. Il donne. Ah, pardon, je ne peux pas. J'ai peur. Vous vomissez n'importe comment parce que c'est amer. Amer. Mais c'est le bois que tu as cherché, tu es venu voir ta vie, non? Tout ça, c'est la peur. Donc, la peur ne vous amènera nulle part si ce n'est que... Et je connais beaucoup de mecs Il y a beaucoup de mecs. Quand j'étais au Gabon, j'ai testé beaucoup de gens. Certains qui étaient des anciens ministres ou autres. Moi, quand je parlais mes choses, ils se moquaient. J'ai dit, toi, tu fais trop le bruit. Ah oui, j'ai lu tel livre. Oh, j'ai lu le livre de France Baron, la grande church, le grand discours. J'ai dit, mon frère, ok, il n'y a pas de problème. La nuit, comme ça, là, je me dédouble. Je vais chez lui. Le lendemain, il me dit, oh, mon frère, j'ai vu quelqu'un, mais ce n'est pas possible. Il te ressemblait, tout ça. Je dis, oh, mais moi, je pensais que tu es un maître. Donc, toute la tchatche que tu fais là, c'est seulement le bruit. Donc, pour être un véritable maître, la peur doit être éliminée. Parce qu'il y a beaucoup qui prétendent être des maîtres, mais qui ont toujours peur. Quelqu'un vous propose son portefeuille magique, mais il maîtrise ça. Il sait qu'il deal avec les esprits. Il va vous dire, non, le portefeuille magique là, ne demande pas les sacrifices. Le portefeuille magique là, ne demande pas ceci, cela. Mais vous serez ma boule pour croire des conneries pareilles. On vous a dit que l'esprit qui amène ces choses-là, il vous fait ça cadeau. Il faut payer le carburant du mec qui se déplace. Le carburant de l'esprit qui vient. Mais un véritable maître dira, moi quand j'ai reçu ça, j'étais encore toujours. Je savais qu'il y a des sacrifices. J'ai dit, envoie-moi ça. Madame Carrel, quand tu m'as envoyé pour moi, je n'ai pas respecté la loi. La maison s'est brûlée, la chambre s'est brûlée. Tout ce qui était sur lui était brûlé. L'article a disparu. Là, c'était un avertissement. J'ai eu la chance. Chez d'autres personnes, mais tu meurs. Ou bien ils viennent te frapper n'importe comment. Maintenant, la magie, c'est quoi? Ce n'est pas des conneries. Ce n'est pas seulement la grande charge. Ce n'est pas seulement aller voir. Vous partez voir. Parce que c'est ça le problème. Je connais beaucoup de mecs initiés, beaucoup de mecs. Ils entendent qu'il y a un marabout. Oh, yo, je m'en vais. Oh. Ils entendent qu'il y a une prophétesse ou un prophète. Oh, je m'en vais. Oh. Mais toi, tu vas encore là-bas, tu vas chercher quoi? Tu es initié déjà, tu cherches quoi? C'est ça la question. Ça veut dire que tu as peur. Ça veut dire que tes pouvoirs, non, tu n'as pas vraiment de pouvoir. Tu n'es pas sûr de tes pouvoirs. Et quand on n'est pas sûr de ses pouvoirs, c'est là où je dis qu'il y a un problème. Parce qu'un véritable maître doit être occupé 24 sur 24. Il doit être occupé 24 sur 24. Il faut travailler sa spiritualité. Vous pensez que celui que vous appelez le diable ou les démons, ils se reposent. Ils sont occupés 24 sur 24. Donc faites très attention, la peur. Maintenant, je ne vais pas trop vous développer. Je vais vous donner quelques techniques qui peuvent vous aider. Je vais commencer par la technique la plus bizarre. Ceux qui sont victimes de peur, hommes comme femmes, première technique. Dans cette technique, elle fait un peu peur, mais vous vivez seul ou bien vous êtes en couple. Arrêtez, c'est-à-dire à une certaine heure de la nuit, à partir de minuit. Je vous donne des techniques mystiques. À partir de minuit, arrêtez-moi toutes les lumières. Désormais, restez dans le noir pendant au moins 1 heure. Je parle d'un noir ténébreux, pas de lumière. Si vos nacos là ou bien vos fenêtres là montrent un peu de petites. Non, non, non. Allez-y m'acheter des tissus noirs. Donc, blindez toute votre chambre, tout en noir. Je répète, mettez-moi toute votre chambre noire. Comme on appelle noir, noir, noir, obscurité totale. Et ensuite, oui, même cette affaire-là, c'est où là? Oh là là, c'est où? Bon, vous verrez de quoi il s'agit. Quand vous partez, quand vous voyagez là, j'avais ça et pourtant j'ai prévu ça pour le show. Quand vous voyagez, souvent on vous donne des espèces de trucs comme Zorro qu'on vous met aux yeux, non? Pour vous permettre de vous reposer. Aidez-moi là, ceux qui comprennent de quoi je parle. Vous fermez, vous mettez ça aux yeux pour vous permettre de dormir, pour ne pas avoir la lumière. Ça là, vous devez acheter ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. OK? Premier exercice. Prenez bien note. Donc, le soir, quand vous partez au lit, silence total, absolu. Restez dans le noir. Que ce soit au salon, rassurez-vous que tout est dans les ténèbres. Vous restez dans le noir. La première semaine, vous restez comme ça. Vous dormez dans le noir. Arrêtez toute forme de lumière. Et pendant que vous allez dans le noir, conscient ou inconscient, vous répétez cette phrase. Je suis maître de mon corps. Le corps et l'esprit que je ne vois pas, je suis maître de cela. Rien ne me fait peur. Rien ne me fait peur. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Vous marchez tout nu dans l'obscurité. Vous courez tout nu dans l'obscurité. Sans slip, sans rien, tout nu. Vous allez voir ce que vous allez comment. Vous allez constater quelque chose, n'est-ce pas? Pour nous les hommes, ce qu'on cherchera à s'assurer que ce n'est pas, il n'y a pas un bâton ou quelque chose qui va cogner dessus, c'est quoi? Vous savez de quoi je parle? Mm-hmm. Donc, quand vous courez, vous mettez les mains devant là, rassurez. Vous cherchez dans les ténèbres, vous courez à gauche, à droite, touchez le mur, cherchez à identifier. Ça, c'est quoi? C'est la télé? Vous touchez. Ça, c'est quoi? C'est la lampe? Vous touchez. Ça, c'est quoi? Donc, vous cherchez à identifier tous les objets dans l'obscurité totale, en étant tout nu. Et maintenant, vous cherchez à marcher dans ces endroits-là, ayant identifié. Parce que quand vous allez marcher et courir, quand vous allez marcher et courir, des fois, vous allez vous retrouver, vous allez buter la télé et elle va tomber. Donc, vous commencez à marcher là-bas dans l'obscurité, dans le noir. Tout doit être décoré complètement noir. Vous touchez, voilà, la télé est ici, ok. Ça veut dire que si je recule là, donc mes fesses, ma nuque, ça va toucher sûrement le banc ou la radio, ok. Bon, ça fait combien? Vous mesurez, vous déplacez, ça fait, vous faites les mesures avec le pied, ah, ça fait 5 mètres, oh, je vais essayer de courir. Je vais courir. Donc, vous courez dans l'obscurité totale, dans le noir, comme un fou. On appelle ça la technique la folie. Où est-ce que je l'ai apprise? Vous ne verrez aucun livre qui parlera de ça. Ça, c'est mes propres expériences à moi. J'ai appris ça quand j'ai été initié dans ce qu'on appelle le ninjutsu, samouraï. Ce sont les Japonais qui m'ont appris ça. Ninjutsu, samouraï. Comment devenir invisible? C'est une technique, comment devenir invisible. Mais je vous l'applique pour combattre la peur. Ça, c'est la première étape. Pendant une semaine comme ça, même un mois, vous arrêtez, habituez-vous à dormir désormais dans le noir et à marcher tout nu. Bon, maintenant, si vous êtes en couple, vous devez vous poursuivre dans le noir. Mettez les mains. Pourquoi? Parce que vous aurez votre esprit qui aura tendance à avoir peur de buter quelque chose. C'est ça le but de l'exercice. Vous aurez tendance à avoir la peur. Peut-être que ma chose va cogner contre la télé ou bien je vais tomber. Oh, mes testicules, tout ça. Donc, cette peur, au fur et à mesure, vous l'éliminerez. Ça, c'est l'objectif de l'exercice. Dormir dans le noir, courir dans le noir, être dans le noir. Ça, c'est la première étape de l'exercice. Deuxième étape de l'exercice. Deuxième. Ça, ceux qui sont en Afrique, vous êtes vraiment bénis. Maintenant, vous qui vivez dans les pays des Blancs ici, c'est compliqué, là, cet exercice-là. C'est-à-dire, il faut disparaître dans le bois. Tout seul ou toute seule. Tout seul ou toute seule. Allez-y. La journée d'abord, allez-y dans le bois. Disparaissez, même dans la forêt, vous marchez, vous marchez, vous faites les traces. Marchez au moins pendant 1 kilomètre. Imaginez ce qui va vous hanter. Oh, peut-être un gorille viendra de quelque part. Peut-être un singe va me chier sur la tête. Peut-être qu'un lion va sortir. Donc tout ce peut-être là, ça va vous inonder l'esprit. Mais continuez. Marchez. Attendez-vous dans votre esprit, vous devez vous y attendre à une éventualité quelconque. 6 mois plus tard, d'après ce que mes maîtres ninja m'ont appris, après 6 mois, apprenez maintenant à aller dans cette brousse dans le noir. Il fait nuit, dès 19h20, tout est dans le noir. Allez-y dans cette forêt. Ce serait trop vous demander, n'est-ce pas? Ça va paraître dur, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. C'est l'un des exercices recommandés pour combattre la peur. Deuxième exercice maintenant. Celui-ci, j'ai toujours conseillé à tous ceux qui me suivent. Pour moi, ce fut un avantage de rentrer dans le monde des arts martiaux. Bon, vous n'êtes pas obligé de devenir un bagarreur. Moi, ce qui m'a amené dedans, parce que dans ma jeunesse, je passais tout le temps trop me battre. Quand je me bats là, ça peut durer toute une journée. Je n'accepte pas d'être défié. Je n'accepte pas la défaite. Pas jamais. Bref, donc, rentrez dans une école d'arts martiaux. Apprenez à pratiquer un exercice adapté. Pour les femmes, généralement, j'ai recommandé le judo ou bien le kendo. Ce n'est pas le kendo des Gallois, parce que le kendo chez les Gallois, c'est une autre pratique. Au kendo, ça, c'est une pratique mystique secrète de chez les Gallois. Et dans ma famille, mon côté paternel, nous avons ce pouvoir du kendo. Mais ici, il s'agit du kendo, qui est une technique budo. C'est-à-dire, ils utilisent les bois comme des sabres. Voyez-vous? Avec cette technique du kendo, vous allez vous exercer à faire cet exercice-là avec les yeux bandés. Donc, vous mettez un tissu noir complètement. OK? Et vous le faites dans le noir. Vous vous battez dans le noir. Ça, c'est une technique que les Japonais, j'ai appris ça auprès des Japonais, et ça marche très bien. Parce que vous aurez toujours cette peur de dire, ah, je ne sais pas où je vais taper, je ne sais pas où je vais aller. Vous tâtonnez. Mais avec le temps, vous allez être, maintenant, vous allez maîtriser cette technique. Vous aurez combattu la peur. Parce que le cœur bat un rythme tel que celui, il y a un qui a les yeux ouverts. Vous avez le tissu noir. Donc, au fur et à mesure, bon, mais faites l'expérience quand vous mettez le tissu noir, vous voyez quand même un peu. Mais exercez-vous à le faire. Le kendo, c'est moins violent. Donc, les bâtons, ils vous rentrent. Après, les bâtons, ça va faire maintenant au combat réel. Donc, le karaté ou bien la boxe, combattez en ayant le bandeau noir aux yeux. Et après, vous passerez maintenant à un niveau plus avancé. Vous utiliserez le sabre ou l'épée. Ça, c'est le plus dangereux. À toujours avec un bandeau noir. Ça aide à combattre la peur. Bon, ça, je sais que beaucoup d'entre vous êtes en train de dire, mais mon Dieu, ça, c'est chercher la mort. Non, pas du tout. L'exercice que moi, je vous recommanderais à faire beaucoup plus régulièrement, c'est l'exercice de l'obscurité totale dans votre maison. Ça, je sais que vous tous pouvez le faire. L'exercice également de marcher dans le bois pendant la journée, ça, je sais que vous pouvez le faire. OK? Ça, je sais que vous pouvez le faire. Ceux qui sont en Afrique, c'est une bénédiction parce qu'ils peuvent aller dans la forêt. Disparaissez dans la forêt, mais en laissant des indices. Okay. C'est très important. Troisième exercice. Apprenez à observer. Vous partez dans la nature. Apprenez à observer, à écouter le chant des oiseaux. Faites-en des analyses. Analysez ce que vous écoutez. Cherchez à comprendre le message. Observez les cours d'eau. Il y a les eaux qui coulent. Ceux qui sont en Afrique, il y a le Goué, par exemple, à plutôt au Gabon, au Congo. Il y a les eaux qui coulent. Vous resterez à vous écouter ce bruit-là. Apprenez à écouter ce bruit. Parce que ce bruit va vous distraire de quoi que ce soit qui doit vous faire peur. Apprenez à écouter ce bruit de la nature. Et enfin, quatrièmement, au cours du séminaire, ça fait partie des techniques. C'est une image que je vais vous dessiner. Ça s'appelle l'auto-hypnose en vue de renforcer le pouvoir de votre regard et éliminer la peur. Auto-hypnose, technique de l'auto-hypnose en vue de renforcer le pouvoir de votre regard et d'éliminer la peur. J'ai les matériaux avec moi, mais dommage. Je ne peux me permettre de montrer ça ici au public. Je vais vous faire ça au cours de mes séminaires. C'est une technique qui marche très bien. C'est une image que vous allez observer les yeux dans les yeux. Vous verrez, vous serez larmoyant. Ce n'est pas facile au début. Les larmes vont couler. C'est une technique qui marche très bien. Enfin, l'autre technique aussi, apprenez à rentrer dans plutôt, c'est tout en rapport avec les arts martiaux. Soyez toujours volontaire pour faire les combats. Très important. Que ce soit la boxe, prenez, mettez les gants, battez-vous. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un club, vous êtes en couple dans la maison, bien vous êtes frère et soeur dans la maison ou des amis, faites comme chez nous ici aux États-Unis. La plupart des gens ici, ils ont les gants. Ils vont faire ça derrière la maison. Ils se battent. Ils organisent des combats. Ça va vous permettre d'éliminer aussi la peur. Vous payez les paires de gants, monsieur et madame, chacun porte. Allez, vous battez. Madame, cognez fort. Et je sais que le mari aura dit, oh, mais toi, si moi, si je te tape un coup violent, après on va dire, oh, moi, je te fais du mal. Mais madame, tapez très fort. Tapez très fort jusqu'à vraiment secouer le mec. Si vous n'avez pas quelqu'un, prenez un sac. On appelle ça sparring bag. Le sparring bag. Donc, c'est un sac. Moi, chez moi, au Gabon, j'avais un sac, mais je chargeais ça avec le gravier et le sable. Mais ici, vous ne pouvez pas mettre du gravier et du sable. Ils ont des matériaux légers qui sont là-dedans. Donc, vous frappez sur ce sac. Pardonnez-moi. Donc apprenez à vous défouler sur ce sac. Et quand vous défoulez sur ce sac, tous les éléments qui vous font peur, par exemple, si vous avez l'habitude d'avoir peur de votre patron, vous visionnez votre patron, que vous êtes en train de le taper. Vous êtes en train de le taper sur ce sac. Vous qui partez à l'école, si c'est un mec qui est plus grand de taille que vous, qui vous impressionne, vous visionnez pendant que vous tapez sur ce sac très fort, vous devez taper jusqu'à vous défouler, transpirer jusqu'à la fatigue que celui que vous êtes en train de taper. Faites-le régulièrement. C'est autant de techniques qui peuvent vous permettre d'éliminer la peur. Ça, c'est des techniques purement psychologiques, simples, que vous pouvez faire chez vous. Mais l'autre technique que je vous ai dit, le dessin, c'est une image que j'utilise et ça marche très efficacement. Je vais l'amener avec mon cours du séminaire. Chacun de vous, j'en ferai une copie et je vous apprendrai à regarder cette image et de parler. C'est l'auto-hypnose. Donc, vous allez vous auto-hypnotiser afin d'influencer, afin que votre regard devienne un regard pénétrant, dangereux, qui est capable de faire pisser quelqu'un. Et en même temps, ça élimine la peur qui est en vous. C'est une technique que j'ai puisée au Tibet. Ça, c'est la technique mystique que je vous recommande. Il y en a encore d'autres. Technique de comment sortir en vampire. Apprenez désormais comment sortir en vampire. Comment biloquer. Il y a des livres qui sont disponibles. Il y a un livre intitulé « Le Tibet Blanc ». Je répète, il y a un livre intitulé « Le Tibet Blanc ». C'est un blanc qui est parti au Tibet, qui a passé beaucoup d'années en occidental. Il est devenu moine. Et lui, sa méthode de bilocation est la plus facile du monde. Je ne sais pas si ce livre existe encore. Moi, j'ai connu ce livre-là en 1979-81. Voilà un livre qui peut vous aider. Et bon, bien sûr qu'il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Je ne vais pas vous maintenir longtemps. Voilà un peu comment vous pouvez éliminer la peur. Vous avez tout un arsenal de techniques que vous pouvez utiliser. Okay? Mais apprenez. L'autre technique, c'est, je l'ai déjà apprise, hein, sur le miroir. Vous vous regardez devant le miroir et vous dites, je ne suis pas lâche, je ne suis pas un peureux. Vous vous regardez vous-même. Vous vous imaginez un homme imposant ou une femme imposante. Surtout la technique de l'auto-hypnose, là, je vous dis, ça marche très bien. Parce que ça, là, quand vous allez regarder quelqu'un dans les yeux, hein, plus de 2 ou 3 minutes, le même état que vous allez recevoir lorsque vous allez faire l'exercice, parce qu'au début de l'exercice, vous verrez que vous serez larmoyant, les larmes vont couler. Parce que le fait de garder les yeux fixes à un objet bien précis, ça va vous faire couler les larmes. Et une fois que vous avez maîtrisé cela, au bout de 6 mois, 9 mois, 1 an, ça devient une habitude. Dehors, à chaque fois que vous allez regarder quelqu'un, les gens vont vous dire que vous avez un regard hypnotisant. Ce n'est pas possible. Personne ne peut résister de vous regarder. Et je vous montrerai le point sur lequel vous devez concentrer votre regard. Parmi le nez, le sommet, les 2 yeux, les sourcils, la tête, les cheveux, la bouche. Quelle partie? Je vous montrerai cela. Parce qu'avec cette technique, vous serez capable de faire beaucoup de choses. OK? Voilà ce que je tenais à partager avec vous sur la technique de la peur. Pour me résumer, pour vous dire que la peur qui nous hante, c'est l'ennemi numéro 1 qui nous permet de nous échouer. Et arrêtez de prétendre être ce que vous pensez être alors que vous ne l'êtes pas, si la peur vous habite. Aucune magie au monde, aucune société secrète au monde ne peut accepter des lâches, ne peut accepter des peureux. La peur est l'ennemi numéro 1 de toute élévation spirituelle. La peur est l'ennemi numéro 1 de toute pratique initiatique magique. Oui, l'histoire de la peur de l'enfer, la peur de, comment dirais-je, du paradis, la peur du ciel, au royaume du ciel. Je vous ai dit ça dans mes enseignements, ça s'appelle des programmations. Les religions ont créé ce qu'on appelle des programmations. C'est un ensemble de dogmes et de doctrines ayant pour but de sensibiliser, d'éduquer et en même temps de frapper le subconscient de tout individu qui adhère en ce milieu-là par des techniques d'hypnose sensorielle, surtout censurante et pour ne pas dire tapage et Manipulation psychologique. Par ces manipulations psychologiques, ils vont frapper votre subconscient. Et quand ils frappent votre subconscient, vous êtes victime. Et quand vous devenez victime, il est difficile d'en sortir de ce cercle de peur qu'on vous a fait croire qu'il y aurait un enfer qui brûle les gens. Dans nos initiations égyptiennes, ça a un nom, mais ce n'est pas l'enfer. Mais ça symbolise seulement la destruction éternelle. Ce sont les âmes qui ne veulent pas se racheter, ces âmes-là. Et le livre de Révélation, à partir du chapitre 19 jusqu'au chapitre 20, nous donne un peu l'aperçu des enseignements d'Osis et d'Isiris, malheureusement. Je vais me résumer de le faire vite en 2 minutes. Donc, là-dedans, on nous explique que tous ceux qui vont connaître la nouvelle naissance, la nouvelle vie, il y a une opportunité qui va leur être accordée. On va leur faire ce qu'on appelle l'épreuve finale. Cette épreuve finale, c'est l'épreuve durant laquelle ils vont faire face encore à leurs démons. Et le langage religieux, là-bas, nous dira que Satan, le diable, va être enfermé pendant 1000 ans. Et la Bible parle des règnes millénaires. Donc, pendant les 1000 ans, toute la race humaine va avoir la chance de rencontrer le nouveau Christ. Selon le langage religieux, bien sûr. Donc, cette ère du Verseau, selon les écoles de Shambhala, les écoles d'Alice Bailey, les écoles d'Helena Petrovna Blavatsky, tous ces théosophes-là expliquent par contre que cette période de 1000 ans, c'est une période de renaissance spirituelle, de régénérescence ou encore de la renaissance spirituelle. La renaissance spirituelle est un langage qui est beaucoup plus utilisé dans la scientologie. Je suis un ancien membre de la scientologie, ancien secrétaire général. Je suis membre actif jusqu'à présent. Dans la scientologie, on vous le dira. Donc, voyez-vous. Donc, c'est très important de comprendre que tout ce qu'on programme à l'homme, c'est ce qui détruit l'homme. Tout ce qu'on vous programme, c'est ce qui vous embrigade. À quand allez-vous réveiller? C'est-à-dire, quand est-ce allez-vous réellement vous sortir de ces, de ces prisons-là? Parce que les prisons, c'est nous qui les créons. Hein. Toutes les religions du monde, là, aucune religion n'est la volonté de Dieu. Hein. Je vous rassure. Ah oui, aucune religion n'est la volonté de Dieu. C'est l'homme qui crée la religion. Parce qu'il était handicapé, parce qu'il s'est perdu du chemin original. L'Ubuntu n'est pas une religion. Le Komo n'est pas une religion. Le Djembe n'est pas une religion. OK? Encore moins le bouddhisme, ce n'est pas une religion. Le vaudou n'est pas une religion. C'est ça. Donc, il faut comprendre. Religion, structure organisée, où on met des gourous, des mecs qu'on doit suivre, et des dogmes sont établis, et tout cela en vue d'embrigader la conscience de l'homme, et que l'homme soit désormais dépendant de ces milieux-là, que l'homme ne peut plus fonctionner de lui-même, ou l'homme, désormais, est dépersonnalisé. Il est embrigadé dans un système où on a imposé des dogmes et des doctrines. C'est cette secte ou cette religion qui fait de lui désormais ce qui doit revenir dans la vie, qui doit choisir sa femme, qui doit choisir son mode de vie, qui doit choisir ce qu'il doit manger, qui doit choisir désormais comment il doit se conduire. En un mot, il vit dans un nouveau paradis qu'on lui a fait croire. Voilà comment ça se passe. Pensez-vous que c'est facile de déprogrammer ça? Et c'est ça qui crée autant de peur. Donc, pour revenir à la question, à l'observation de la sœur qui parle de l'enfer. C'est pas facile. Hein? Parce que vous partez chez les musulmans, vous dira il y a l'enfer. Vous partez chez qui que ce soit, sauf les témoins de Jéhovah. Donc, retenez bien que cet enfer, dans nos traditions égyptiennes anciennes, existe, mais sous une autre terminologie, sous une autre forme d'éducation, sous une autre forme d'explication. Les âmes qui vont se révolter durant ces 1000 ans, qui vont tomber sur la chute, qui vont chuter cette fois-ci, alors ils vont connaître la seconde mort et ils seront détruits définitivement. On ne va pas les tuer littéralement. Parce que l'âme qui pêche, ça revient au livre d'Ézéchiel, chapitre 19, que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui va mourir. Vous comprenez? Donc, les âmes désincarnées que vous voyez là, quand on vous demande de ne pas faire le mal, quand je vous dis non, vous me demandez non, montre-moi des techniques, comment je vais embrigader l'esprit de quelqu'un, montre-moi la technique, comment je vais avoir de l'argent, ceci, cela. Montre-moi des techniques pour pouvoir arracher la femme du président du Gabon ou du président du Congo, ceci, cela. Vous me faites de telles demandes, vous retardez mon évolution. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle, me ramener à me réincarner ici-bas. Oui. Donc, faites très, très attention à vos préoccupations, à vos demandes. Merci beaucoup. Merci pour ce temps que vous m'avez accordé de comprendre que la peur, c'est l'ennemi numéro un. Et ça ne rime pas avec la spiritualité. Vous ne pouvez pas être un homme spirituel et vous avez la peur. C'est impossible. Vous allez faire un rite, vous avez peur. Oh, est-ce que ça va marcher? Comme ce frère que je vous ai dit, il a fait le rite, mais il oubliait que dans la pratique kabbalistique sur la convocation des génies ou des invocations, il faut d'abord étudier ce qu'on appelle l'astrologie, le mouvement des astres, le mouvement de ceci, en fonction en fonction de votre signe astrologique. Il y a certains dieux planétaires qui peuvent avoir un impact depuis votre naissance jusqu'à ce jour. Maintenant, quand vous allez faire appel à cet ange-là, à ces génies, est-ce que ce génie est vraiment en symbiose avec tel, puis surtout si ce génie, par exemple, correspond à 25 degrés avec la planète Saturne, mais la planète Saturne est reconnue comme une planète qui sanctionne, qui n'a pas de pardon du tout. Maintenant, pour alléger leur colère, est-ce que vous avez toléré la présence de Vénus, la présence de la planète Vénus, parce que la planète Vénus, c'est la planète de l'amour et surtout de la tolérance. Et là-bas, on vit dans la paix, on ne vit que de machin, de l'amour, de l'éternité, de machin, de la paix, tout, tout, tout. Et ils ne connaissent pas la guerre. Mais les gens de Saturne, c'est différent. Donc, quand vous avez cette connaissance et vous allez faire un rite d'appel de tel génie, mais ce génie ou esprit est sous l'influence de quel dieu planétaire? Il faut le savoir. C'est pour cela, dans la Kabbale et dans la magie cérémoniale, on vous dira que tel ange, si vous le convoquez, de 5h du matin jusqu'à 5h20, tel est le génie qui correspond à mon signe astrologique, eh bien, il est sous l'influence du dieu Mercure, du dieu Saturne et Jupiter. Bon, ces mecs-là, tous ces dieux-là, donc ces trois planètes, qu'est-ce qu'ils ont de commun pour pouvoir recevoir ce que vous désirez? Il y a l'une des planètes où il y a le commandement, l'autorité, devenir président ou homme politique ou bien des machins diplomates, tout simplement, député, quelque chose comme ça, homme d'affaires influent, l'intellect, communicateur, éducateur, conférencier international. Alors, du coup, ça correspond. C'est bon. Donc, je peux l'invoquer. Mais si vous, votre signe astrologique n'a rien à voir avec cela, et vous ne respectez pas les consignes selon lesquelles, pour invoquer ce génie-là, il faudrait qu'il soit à 10 degrés de Capricorne, il faudrait qu'il soit, par rapport à votre signe astrologique, rassurez-vous, et en fonction des dates, il faut avoir votre calendrier astrologique. L'avez-vous? C'est très important en tant qu'initié de l'avoir. Moi, je le mien de l'an 2019 jusqu'à l'an 2025. Donc, je connais les mouvements des astres. Tel astre a tel mouvement, à tel angle, à tel degré. Ah, quand je me réveille aujourd'hui, là, on m'a dit que non, c'est un jour de malchance. Pourquoi? Mais parce que tel astre va former une corne. Et quand ça forme la corne, donc l'arc là, ça pointe le machin vers moi. Et quand ça pointe vers moi, ça ne peut pas m'amener donc le bonheur ou ça m'amène les malheurs et tout ça là. Donc, je dois faire quoi? Je dois m'abstenir de parler, je dois m'abstenir d'aller à tel endroit. Les grands sages, les grands mages, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Oh mon Dieu, je viens dévaler tous les secrets ici là. Bref. Commandez, il faut commander le livre des mouvements astrologiques. Bon, pardonnez-moi, j'ai été un peu trop gauche à droite, j'ai trop parlé ici là. Que Tétan Monga vous bénisse. Nous allons prendre vraiment beaucoup de repos. Il y a une raison pour laquelle j'ai fait toutes ces vidéos depuis hier, parce que je serai sûrement de repos pour un certain temps, où il n'y aura pas des enseignements, parce que je serai très pris. Donc, que Tétan Monga vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Appliquez ces consignes et bonne nuit pour ceux qui sont restés éveillés avec moi. Et pour ceux qui vont suivre demain, bonne vision ou quoi, je ne sais pas ce que je pourrais dire. Donc, pour éviter de tout gaspiller, moi-même, je commence à être fatigué. Merci encore. Que Tétan Monga vous bénisse. Merci.